Et maintenant, comment diriez-vous « Si j'avais su, nous serions allés le voir, ça aurait été intéressant. » Si j'avais su. Si ab ub yera. Si hubiera. Si hubiera. Si hubiera. Si hubiera, d'accord. Hein? Si j'avais su, si hubiera sabido. Si hubiera sabido, hein? Bien. Nous serions allés le voir. Seríamos. Voyons. En espagnol, pour former le passé avec plongeoir, il n'y a qu'un seul plongeoir possible. Hein? C'est haber. Hein? On n'a donc pas le choix, comme en français, entre être et avoir. Hein? C'est toujours avoir. Haber. Ce qui simplifie les choses puisque vous n'avez pas à choisir entre les deux. Donc, pour dire nous serions allés, hein, il vous faut le plongeoir haber. Hein? Donc, vous allez dire littéralement « nous aurions allé », ce qui donne « habríamos ».« Habríamos », oui, hein? « Habríamos ». Et maintenant, vous plongez avec le verbe « aller ».« Ido ». C'est ça, hein? « Ido ». Alors, encore une fois, « nous serions allés ».« Habríamos ido ». D'accord, « habríamos ido », donc avec le seul plongeoir possible qui est « haber ». Donc, nous serions allés le voir. Habríamos ido a... D'accord. Habríamos ido a... Habríamos ido a verlo. Habríamos ido a verlo. Hmm? Et ça aurait été intéressant. Habría... Habría, ça aurait été... Habría sido... D'accord. Habría sido intéressant. Interesante. Bien. Habría sido interesante. Habría sido interesante.